Monsieur Jonathan Mbatengene, cette attaque selon vous... Monsieur Jonathan Mbatengene, n'est-elle pas un facteur d'envenimation de la situation, alors des rapports entre ces deux puissances? Oui, ça envenime la situation, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, quand vous suivez les déclarations d'un député de la Douma russe, il a dit que la riposte sera telle qu'ils ne feront plus de quartier. C'est-à-dire qu'ils vont traquer les combattants ukrainiens, il a dit jusqu'aux chiottes. Et quand vous suivez Peskov, dit ils ont les données qui ont été collectées par les services spéciaux qui font état d'une connivence entre les États-Unis et l'Ukraine dans cette attaque de drones. Quand vous parlez d'envenimer la situation, vous n'avez pas tort parce que le chef d'état-major, le porte-parole du Pentagone s'exprimant là-dessus, il a dit qu'il a démenti toute implication des États-Unis. Mais quand vous suivez les commentateurs, et notamment il y a une grande chroniqueuse du Washington Post qui s'est exprimée hier là-dessus, elle a dit « Tout ceci laisse planer le spectre d'une guerre entre les États-Unis et la Russie ». On est plus simplement dans la perspective d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. On est dans l'élargissement du conflit. Et c'est ce que plusieurs observateurs de cette situation redoutent. C'est que les États-Unis, qui sont les mentors des Ukrainiens, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en Ukraine, il n'y a plus de capacité de fabrication de drones, il n'y a plus de capacité de fabrication du matériel volant avec... ces performances-là, il n'y a plus les capacités de planification, de coordination de ces opérations. Ceux qui réalisent cela pour le compte des Ukrainiens, à l'avantage des Ukrainiens, c'est les États-Unis et les autres alliés de l'OTAN. Et dans le cas d'espèce, on se souvient, l'année dernière, l'attaque contre Nord Stream 1 et 2, et le rapport d'un journaliste états-unien pris Pulitzer, qui montre très bien que l'attaque contre les Nord Stream 1 et 2 était une attaque qui a été perpétrée avec la bénédiction des États-Unis. Il dit c'est des groupes, pro-ukrainiens. Mais quand vous regardez, il va dire ce n'est que les États-Unis qui auraient pu planifier, alors que le Washington Post disait, le New York Times disait c'est des groupes pro-ukrainiens. Vous avez également l'attaque contre Dugina, Platonova Dugina, la fille du célèbre Dugin. Cette attaque avait été perpétrée à Moscou par les agents secrets de l'Ukraine. Et vous avez également la dernière attaque contre un blogueur russe qui avait également été perpétrée. On remarque qu'il y a une récurrence, une résurgence et une multiplication du terrorisme dans la stratégie ukrainienne, parce que finalement sur le plan militaire, purement militaire, l'armée ukrainienne est aux abois. Bakhmut est tombé. On parle à Artyomovsk de plus que 5% de la ville qui sont sous le contrôle des Ukrainiens. Encore les 5%, c'est des zones de retranchement où ils sont littéralement bombardés jour et nuit par les unités de l'armée russe. Donc face à cette situation, l'armée ukrainienne est incapable de riposter. L'armée ukrainienne utilise les moyens terroristes pour agir sur le territoire de la Russie. Et l'on remarque que ces moyens terroristes sont pour la plupart toujours coordonnés par les puissances de l'OTAN, notamment les États-Unis, comme dans le cas de Nord Stream 1 et 2. Donc ici, le risque d'envenimement de la situation est réel. Mais un envenimement qui ne nous laisse pas simplement regarder le conflit sous le prisme de l'Ukraine. Il y a un risque d'élargissement de conflit. Parce que si les éléments auxquels fait référence Peskov sont avérés, Peskov est le porte-parole du Kremlin, si ces éléments sont avérés et que les États-Unis sont incriminés dans cette attaque terroriste sur le territoire de la Fédération de Russie, vous vous souvenez de la question qui a été posée à la Douma. On a dit, ils ont posé, les députés russes, ils ont posé cette question, ils ont dit, si un drone venait à survoler la Maison Blanche et a explosé comment sur le dôme de la Maison Blanche, comment les États-Unis considéreraient une telle situation? Ce n'est rien moins qu'une déclaration de guerre, c'est un casus belli. Donc, actuellement, si les résultats de l'enquête confirment une attaque qui a été planifiée ou l'implication des États-Unis a été avérée, il y a un risque que l'on s'achemine vers le bord du gouffre. Et la chroniqueuse du Washington Post disait que nous sommes dans le risque d'embraser le monde dans un gouffre, dans une guerre nucléaire. Et elle dit, ce risque est d'autant plus pesant que nous sommes au seuil de ce gouffre, dont nous nous rapprochons tous les jours vers une hécatombe. Et ce genre d'acte va progressivement nous introduire dans cette situation. Souvenons-nous, et je sors par là, souvenons-nous, que la Première Guerre mondiale, c'était une petite action qui a tout déclenché. L'attentat contre le duc François Ferdinand. Et cet attentat a embrasé l'humanité, du moins l'Europe, pendant 4 ans dans une guerre fratricide, alors là, très meurtrière. On pourrait, avec ce genre d'action, aboutir au même résultat. Afrique Média, le monde, c'est nous.